France Culture avec Philosophie Géraldine Mühlmann. L'ombre et la lumière, c'est notre série cette semaine. Ce matin, nous réfléchissons à l'usage du mot lumière en philosophie. C'est toute une histoire, l'évocation de la raison comme une lumière, une histoire qui commence sans doute avec Platon. La rationalité philosophique se décrit volontiers comme lumineuse. L'une des questions étant de savoir si cette lumière est naturelle, selon le mot de Descartes, et il s'agit alors de la laisser nous éclairer correctement, ou bien si la lumière de la raison provient d'une source extérieure à nous, merveilleuse, divine peut-être, qu'il faut avoir le courage de chercher pour en être tout ébloui. Platon semble voir les choses ainsi dans sa célèbre allégorie de la caverne, d'où s'extrait le philosophe. Les deux hypothèses peuvent paraître profondément différentes. Et sans doute les spécialistes respectifs de Platon et de Descartes que j'ai invités ce matin inciteront-ils à bien noter la différence. Mais n'oublions pas quand même que la lumière naturelle de Descartes, liée à l'expérience du cogito, conduit le même Descartes à noter en l'homme une idée particulièrement lumineuse qui provient nécessairement d'ailleurs, assure-t-il, l'idée de Dieu. Peut-être des intersections existent-elles malgré tout entre les divers usages en philosophie de la notion de lumière pour parler de la rationalité. Et bien sûr, il reste à savoir ce qu'il faut penser de toutes ces manières de réfléchir à la raison. Bonjour Anne Mercker. Bonjour. Vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie ancienne, professeur à l'université de Strasbourg. La philosophie grecque n'a pas beaucoup de secrets pour vous. Et notre sujet de ce matin encore moins, puisque vous avez fait votre thèse sur la vision chez Platon et Aristote. Cette thèse a été publiée aux éditions Academia en 2003. Et bonjour Pierre Guénantia. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie de l'université de Bourgogne, spécialiste de philosophie moderne et singulièrement de Descartes, sur lequel vous avez beaucoup publié. Je rappelle par ailleurs votre dernier ouvrage paru il y a quelques mois au PUF, L'homme sans moi, MOI, essai sur l'identité. À quoi tenons-nous le plus dans nos sociétés modernes? À la liberté de nous divertir, de parler, de débattre, d'exprimer nos opinions, de lire, d'écrire, ainsi qu'à la science et à la technologie qui rendent toutes ces choses possibles. Ces libertés ne doivent rien au hasard. Elles ont été conquises grâce au courage de quelques visionnaires à une époque fascinante de l'histoire. Tout commence au XVIIe siècle en Europe. En un peu plus de 100 ans, la foi religieuse va être supplantée par l'argumentation raisonnée et l'hégémonie de la noblesse par celle de la connaissance. Cette bataille remportée de haute lutte contre une église toute puissante et des souverains impitoyables a posé les fondations de notre monde moderne et marqué les débuts du siècle des Lumières. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un extrait, c'est le début, d'un documentaire intitulé « Le siècle des Lumières » diffusé sur Arte en 2012. Alors moi, je comprends très bien qu'on fasse de la pédagogie, mais je trouve que parfois, on force extraordinairement le trait. Quoi. Il y avait l'obscurité jusqu'au XVIIe siècle, puis tout d'un coup, il y a les Lumières, la question de la foi qui en fait a traversé les Lumières. Elle est à terre, l'Église et la foi religieuse semblent à terre. Les Lumières sont apparues, paraît-il, pour remplacer tout cela. Avec cette histoire de lumière, on force quand même souvent le trait, non ? Vous ne trouvez pas, Pierre Guénantia ? Oui, si on assimile les Lumières, ou si on assimile le travail sur la lumière et sur la lumière naturelle à l'idée historique des Lumières. Et ça, je ne crois pas que ce soit une transition logique, ni historiquement, ni philosophiquement. Il peut y avoir, et on le voit chez Descartes, une critique de la tradition, même une critique radicale, une critique des ténèbres. mais pas au nom des Lumières, au nom de la raison et au nom d'une idée de la science qui lui paraît justement, elle, à la fois ancienne dans ses racines et nouvelle dans son avenir. Et diriez-vous que peut-être le mot allemand Aufklärung ou anglais Enlightenment au moins montre une progression, il y a un gérondif quoi, en quelque sorte un impliqué, on est en train d'être éclairé, c'est un éclairement, faudrait-il dire en très mauvais français. Au moins, ça dit les combats, parce que les Lumières, c'est traversé de débats, de bien difficultés. Sûr. Oui, mais ça, il y a cette idée d'une progression, justement, de la lumière, si je puis dire, enfin, au sens métaphorique du terme, une progression de la clarté, une progression de la vérité, de la connaissance, aussi bien chez Descartes que chez Pascal. Là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Et la foi, ici, n'intervient pas en obstacle, je crois, parce que... Mais chez Dos, dans Les Lumières du 18e, oui, mais... est-ce qu'on peut dire que... Enfin, voilà, c'est écoutez, je vais être très franc. Il me semble que Les Lumières du 18e sont moins lumineuses que la lumière du 17e, qui sépare les domaines, donc d'un point de vue critique, qui va jusqu'au bout de ce qu'on peut penser, mais sans en faire une déification, et surtout qui fait pas de l'idéologie, d'une certaine manière. Alors qu'il me semble, bon, je veux pas me mettre à dos les spécialistes des Lumières, mais il me semble que Les Lumières ont une charge idéologique, c'est-à-dire ou politique, comme on voudra, c'est-à-dire il s'agit de combattre quelque chose. Au fond, si on regarde aussi bien Descartes, Pascal, Malebranche, il s'agit pas de combattre pour eux, il s'agit d'inventer, il s'agit de connaître, il s'agit de dévoiler beaucoup plus que de combattre un ennemi qui présente une figure assez favorable justement pour qu'on puisse l'attaquer sans problème. C'est pour ça que il me paraît que peut-être ce qu'on appelle les Lumières, c'est-à-dire la connaissance, s'appairer à Odé, comme dit Kant, hein, ose savoir par toi-même, etc. Au fond, on en trouve beaucoup plus le fondement et le geste fondateur dans la philosophie classique, enfin du XVIIe siècle, cartésienne, pascalienne, spinoziste, là-dessus je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différences importantes, que au siècle suivant où ça joue le rôle au fond d'une arme de guerre, un peu d'un cri de guerre, plutôt que d'une injonction à la fois épistémologique et métaphysique. Alors je précise à nos auditeurs que la semaine prochaine nous leur proposerons une série sur Emmanuel Kant pour fêter son 300e anniversaire et que précisément cette question de ce que sont les Lumières a beaucoup agité Kant et nous agitera beaucoup. Donc nous reviendrons là-dessus. Anne Mercker, j'aimerais votre réaction quand même. Vous trouvez-vous aussi qu'on force un peu les choses, peut-être idéologiquement, en opposant comme ça les Lumières surgies d'un coup et mettant à terre son ennemi obscur, ou bien vous trouvez que tout de même la rupture historique est suffisamment impressionnante pour qu'on ose ce genre de contraste? Je verrais deux aspects dans cette représentation qui quand même me paraît un petit peu militante et polémique. Et après tout, les acteurs de l'histoire ont aussi droit à leur formule polémique. Je vois un inconvénient, ça donne l'impression qu'il y a un commencement absolu dans le développement historique humain, ce qui me paraît... Qui serait en plus au XVIIe siècle, donc vous qui connaissez bien les Grecs anciens, ça doit vous faire une erreur. Cœur. Et je suis pas spécialiste du Moyen-Âge, mais je veux dire, la victime collatérale de cette représentation, c'est que le Moyen-Âge a passé très longtemps pour une période totalement obscure et méritant purement et simplement d'être jetée dans l'ignorance, alors qu'il y a des élaborations conceptuelles faramineuses pendant le Moyen-Âge. Mais malgré tout, j'ai peut-être une petite nuance par rapport à Pierre Guenantia, mais il me semble quand même qu'il y a une volonté de lutte et de combat. Vous avez mentionné la foi et l'Église. Peut-être que la foi n'était pas tellement à terre, mais je crois que l'Église était un pouvoir temporel et un pouvoir politique qui a quand même posé, pour le dire gentiment, quelques entraves au savoir. Et je dirais que cet étendard des Lumières nous devient moins compréhensible aujourd'hui que l'Église n'a plus cette même puissance, mais elle avait une puissance vraiment considérable. Non, mais le sujet, c'est de savoir si elle a été à terre si vite qu'on ne l'énonce. Ah, ça c'est ça. Et là, il y a une autre question là qui vous concerne plus directement, je parle de vos travaux, c'est que souvent quand on présente les Lumières, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIe siècle, cette espèce de grand mouvement de rationalisation de beaucoup de questions, on parle de quelques-uns. Tout à l'heure, là, dans le documentaire que nous avons cité, c'est grâce à quelques philosophes. Et ça, nous savons aujourd'hui qu'il y a une histoire des Lumières, des salons, de la presse, des pas toujours autorisées d'ailleurs, mais parfois elles l'étaient, comme en Angleterre. Il y a Jürgen Habermas a raconté la sociologie des Lumières, c'est plein de gens anonymes, c'est pas que des philosophes. Et Antoine Lilti, aujourd'hui professeur au Collège de France, est spécialiste de cette ambiance. Il y a des raisons sociales profondes aux Lumières, il n'y a pas que quelques-uns. Tout à fait. Mais là, je crois vraiment ce que vous venez de dire, c'est une vérité universelle pour toutes les découvertes et pour toutes les avancées de la pensée. Je veux dire, même la théorie de la relativité de Einstein, elle n'a pas surgi comme ça, toute casquée, sortie du cerveau de Einstein. Toutes les avancées historiques bénéficient d'interro social et de recherches scientifiques, intellectuelles qui sont faites par des gens qui finissent par devenir totalement anonymes. Donc, je rejoins ce que vous dites, mais je dirais que ça concerne absolument toutes les périodes et toutes les inventions. Mais c'est peut-être aussi l'effet du platonisme, hein. Excusez-moi, mais c'est pour ça que je vous interrogeais. S'il y en a bien un qui a pensé que les philosophes avaient un accès à la lumière, qu'ils étaient peu nombreux et que la masse des autres reste dans leur caverne, c'est Platon. Peut-être c'est le platonisme qui explique cette vision globale des choses, les lumières contre l'obscurité des autres. Non, je ne pense pas. Alors, s'il s'agit de parler de la caverne, l'image de Platon dans la République nous montre au contraire non pas la volonté du philosophe de mettre en avant des gens supérieurs par différence avec des gens qui ontologiquement et de manière essentielle seraient inférieurs, mais plutôt des gens qui refusent de sortir de la caverne et qui considèrent comme quelque chose qui nous détruit de pratiquer la philosophie, que ça sert à rien, que ça détruit la vision, ça détruit les yeux. Il y a une forme d'élitisme chez Platon au sens où l'effort requis pour atteindre jusqu'au sommet de la philosophie est un effort tellement grand que on peut supposer que la totalité de l'humanité non seulement n'y arrivera pas, mais surtout n'en a même pas envie. Vous n'en voyez a pas bien même le désir. Ce contraste est quand même saisissant. La lumière n'est pas pour tout le monde, non pas que les autres soient idiots, mais comme dira Kant, justement, il manque de courage, de résolution, et d'autres diront peut-être d'appétence pour la lumière. C'est une vision quand même justement très élitiste. Je suis en désaccord. Chez Platon, il y a déjà une universalisation très forte de l'intelligence dans la mesure où il considère que il y a une âme qui est immortelle, bon, on y croit, on n'y croit pas, peu importe, mais le message philosophique, c'est que cette âme immortelle est constitutive de l'humanité et tout être humain a un intellect qui, a priori, est égal chez tout être humain. Et la différence, c'est précisément l'orientation de cet intellect vers des choses obscures ou vers des choses illuminées par la lumière du soleil, la lumière du bien, et cette orientation requiert une éducation. Et le point d'ancrage, c'est l'éducation. Donc on peut dire que Platon est élitiste au sens où il suppose que arriver jusqu'au terme ultime d'une éducation très difficile et très exigeante ne sera probablement pas possible pour tout le monde, mais en droit, tout être humain possède un intellect et il est indestructible cet intellect. Donc les gens qui paraissent inintelligents, c'est uniquement une question d'orientation de leur intelligence et d'éducation qu'ils n'ont pas reçu. Donc à l'inverse, on voit chez ce philosophe qui est d'origine aristocratique, hein, mais qui critique autant l'aristocratie que la démocratie. J'aime le rappeler parce qu'on l'oublie. Il est d'origine aristocratique, mais néanmoins, d'ailleurs, comme finalement la démocratie athénienne, c'était une forme d'aristocratie généralisée, universalité, avec une extension de cette exigence. Entendu. Pierre Guénantia, est-ce que vous ne pensez pas tout de même que la métaphore de la lumière, surtout quand elle est un peu radicale, supposant que d'autres sont dans l'ombre, vous ne pensez pas qu'il y a quand même un risque de coupure importante entre les philosophes et les autres, l'idée d'une aristocratie des philosophes, qui, parce qu'ils y arrivent à toucher la lumière, parce qu'ils savent mieux que les autres peut-être faire fonctionner ce qu'ils ont dans la tête, peut-être quand même pour des raisons innées, j'entends ce que dit Anne Mercker, mais j'ai quand même l'impression que le chez Platon, franchement, ça n'est pas donné à tous. Et peut-être que c'est ça que les classiques, Descartes et plus tard Kant vont essayer un peu de faire bouger. Mais même chez eux, c'est pas donné pour tout le monde, pas donné à tout le monde. Ben si, quand même. Hein. Le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Ouais. Vous pensez bien que j'allais pas rater ça. Donc, je vous ai laissé la dire celle-là, oui. Donc et puis il y a autre chose aussi. Hein. J'en ai d'autres, des citations moins connues. Hein. Le tout, c'est pas d'avoir l'esprit bon, c'est de l'appliquer bien. Et ça, je crois que c'est très cartésien. C'est-à-dire, c'est ce que dit Anne. Au fond, c'est-à-dire que au fond, tous les esprits sont également éclairés. La lumière naturelle est égale dans tous les esprits. La différence, c'est que cette lumière, elle est innée à l'esprit. Elle ne vient pas du dehors. Hein, comme on le disait tout à l'heure, mais le tout c'est l'usage que l'on fait de cette lumière, aussi bien du point de vue de l'éducation, qui peut être souvent un obstacle d'ailleurs pour Descartes, que du point de vue de sa méthode propre, de sa volonté, sa détermination, sa bonne volonté, et là, au fond, chacun est renvoyé à lui-même, c'est-à-dire c'est finalement à sa bonne volonté plus qu'à la lumière en tant que telle. Car au fond, il y a une phrase de Descartes qui peut paraître surprenante, il n'y a que de la lumière dans l'entendement humain. Il n'y a que de la lumière. Autrement dit, s'il y a de l'ombre quelque part, elle vient d'ailleurs que de l'entendement. Elle vient des obstacles, des préjugés, des autres, oui, mais des autres qui sont pas désignés comme des ennemis, hein, des autres qui sont désignés comme des gens qui dont on admet les opinions sans les vérifier. Donc il y a cet aspect d'égalité fondamentale des esprits humains, de l'esprit humain en tout homme, d'une certaine manière. Chaque homme a l'esprit humain tout entier, d'une certaine manière. Il n'y a pas de vraisemblance à diviser l'esprit humain en parties ou en degrés ou ni grandeur extensive ni grandeur intensive. Par conséquent, la question, et c'est la question dès le premier texte de Descartes, les règles pour la direction de l'esprit, justement, s'il faut se donner des règles pour la direction de l'esprit. Mais on n'a pas... De tous les esprits. De tous les esprits, bien sûr. Excusez-moi. Quelque chose qui... À la limite, Descartes s'adresse presque plus aux esprits naïfs, aux esprits incultes, qu'aux esprits instruits ou élevés par la tradition, parce que cela, justement, colporte des préjugés, des présomptions aussi. Alors que, au fond, un esprit vierge, si je puis dire, qui n'est éclairé que par la lumière naturelle, c'est le sens d'ailleurs de l'entretien sur la recherche de la vérité, par la lumière, le dialogue inachevé de Descartes, au fond, un esprit vierge a plus de chances de connaître la vérité qu'un esprit qui croit la connaître parce qu'il a lu tous les livres. Est-ce que, à partir de la philosophie moderne, cette rationalité lumineuse ne s'adresse pas davantage à tous que chez Platon, par exemple ? Écoutez, je ne veux pas introduire de la polémique avec mon interlocutrice, sur Platon. Personnellement, j'étais assez convaincu par ce qu'a dit Anne tout à l'heure, mais c'est sûr que il n'y a pas de hiérarchie dans les fonctions cognitives. Chez Descartes, bien sûr. Il n'y a pas non plus des classes, en quelque sorte, d'hommes qui sont destinés à cela plutôt qu'à cela. Au contraire, même, le début des Régulés, c'est pour dire l'esprit humain n'a rien de semblable aux arts. Chaque art a sa spécialité, a sa compétence, a sa pratique propre. Alors que justement, l'esprit humain a une universalité, a priori, d'application à toute chose. Alors, on va revenir à Platon, puis à Descartes. On va voir si la lumière de la raison platonicienne diffuse vraiment vers tout le monde et si tout le monde, pour Platon, est en mesure de l'accueillir. On va voir aussi ce que c'est que ce soleil auquel la raison platonicienne est connectée. Je vous propose d'écouter, lu par Bernard Gabay, un extrait de La République, de La République de Platon, la mal nommée République, c'est de la cité, la traduction exacte du titre de ce livre de Platon, livre 6, écoutez. N'est-il pas vrai que le soleil n'est certes pas la vue, mais qu'étant la cause de celle-ci, il est vu par la vue elle-même? Eh bien, considère que c'est lui que j'affirme être le rejeton du bien, que le bien a engendré comme analogue à lui-même. Ce que le bien lui-même, dans le lieu intelligible, est par rapport à l'intelligence et aux choses pensées, le soleil l'est dans le lieu visible par rapport à la vue et aux choses vues. Les yeux, tu sais que lorsqu'on les tourne vers les objets dont la lumière du jour n'atteint plus les couleurs, mais qu'atteignent les lueurs nocturnes, ils s'obscurcissent et paraissent semblables à ceux des aveugles, comme s'il n'y avait pas en eux de vision nette. Mais je crois que lorsque c'est vers les objets que le soleil est clair, il voit clairement et il apparaît que la vision est présente dans ses mêmes yeux. Conçois donc de la même façon ce qui concerne l'âme aussi. À savoir ainsi, lorsque c'est sur ce qu'est clair la vérité et l'être qu'elle se fixe, elle le conçoit, le reconnaît, et il apparaît qu'elle possède de l'intelligence. Mais lorsque c'est sur ce qui est mêlé d'obscurité, ce qui devient et qui se défait, elle n'a que des opinions, et elle s'obscurcit, faisant varier ses opinions d'un côté et de l'autre, et ressemble en revanche à un être dépourvu d'intelligence. Anne Mercker, vous êtes invitée ce matin avec Pierre Guénantia, vous êtes spécialiste de la philosophie grecque ancienne, donc de Platon. Pierre Guénantia est notamment spécialiste de Descartes, mais aussi d'autres auteurs modernes. Et nous parlons ce matin de la question de la lumière comme métaphore habituelle pour évoquer la raison dans la philosophie. Que vaut cette métaphore ? Chez Platon, nous venons de voir que ça renvoie à un soleil. Pouvez-vous nous expliquer, Anne Mercker ? Alors, je commence par une remarque sur la dernière phrase de l'extrait qui fait le lien avec ce que nous venons de dire. Quand l'âme humaine porte, l'intellect porte ses regards sur ce qui n'est pas éclairé par le soleil et la lumière, l'être humain ressemble à un être qui est dépourvu d'intelligence. Le mot « ressemble » est important parce que précisément Platon réaffirme « tout le monde » possède l'intelligence. Simplement, c'est la situation dans laquelle on se trouve qui donne l'impression qu'on n'en a pas. Donc, je rejoins à nouveau les propos que Pierre et que j'ai développés aussi auparavant. Cette histoire de comparaison entre le soleil et le bien sert à Platon à faire comprendre que l'intelligence humaine, alors pour le coup, ça va être la différence, je crois, avec Descartes, n'est pas autonome, elle n'est pas autarcique, elle n'est pas autosuffisante. Et l'intelligence a besoin de quelque chose en plus pour être pleinement ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît quand la lumière n'est pas là, mais elle ne donne pas la pleine réalité de son être. Et donc il y a quelque chose de l'extérieur. Je comprends pas très bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui l'a fait fonctionner. Exactement. Et ce qui l'a fait fonctionner, de même que la vue a besoin de la lumière, qui est un troisième terme de grande valeur et qui est prodigué par le soleil. De même, l'intelligence, pour non pas voir, mais pour connaître de manière scientifique, a besoin d'une lumière extérieure. Et Platon essaye de nous expliquer que cette lumière provient du bien, de l'idée de bien. Alors, je précise tout de suite qu'il faut entendre le bien comme le bon, le bénéfique, ce qui est bon, bien, parfait. Et Platon essaye d'expliquer ici quelque chose qu'il a dit déjà dans le Phédon, à savoir que connaître, ça peut pas se faire simplement avec, je dirais, une application rationalisante des causes et des effets. Il faut, pour aller jusqu'au bout de l'explication, comprendre pourquoi il est bon qu'il en soit ainsi. Et c'est ce rôle-là que joue l'idée de bien, c'est qu'elle permet de rendre raison ultimement, de manière ultime, de l'état du monde. Et tant que mon esprit n'a pas réussi à remonter jusqu'à cette explication-là, eh bien, en réalité, mon esprit ne possède pas pleinement la connaissance. Pour le dire encore autrement, tant que mon esprit observe simplement des choses qui sont en devenir, mon esprit est dérouté, l'intelligence est déroutée, parce que ce qui est en devenir se désiste sans cesse de son être. Le devenir est mêlé d'être, est un mélange d'être et de non-être. J'essaye de dire quelque chose sur lui, mais déjà il est devenu autre, et donc mon discours sur lui s'effondre. Et donc il faut se tourner vers ce qui n'est pas de l'ordre du sensible, c'est-à-dire en réalité ce qui n'est pas de l'ordre du devenir, c'est la notion de devenir qui est importante, il faut se tourner vers l'être. Or, ce qui dispense l'être, c'est l'idée de bien, parce que c'est le bien qui fait être les choses, qui leur donne leur consistance, de la même manière que le soleil fait croître les choses et en plus les fait voir. Et bien de la même manière, le bien fait être les choses dans un état de plénitude, parce que c'est bon, il est bon qu'il en soit ainsi, et le bien en même temps illumine la pensée, l'intelligence qui comprend cet état des choses. Alors je rappelle que la République de Platon comporte 10 livres. Ils ont été écrits à peu près entre 384 et 377 avant Jésus-Christ. Et donc un de ces livres, postérieur au texte que nous venons de lire, est la déclinaison d'une allégorie très célèbre. Certains qui sont vraiment attirés particulièrement, peut-être je vais me faire gronder, en étant trop aristocratique dans le commentaire de Platon, c'est vous la spécialiste. Et donc certains vont plus volontiers que d'autres s'arracher à la caverne dans laquelle nous... Non, alors, tout ça m'a l'air très faux. Pardon, vous allez me corriger après. Je suis désolée. Je dis juste comme on a parfois coutume d'enseigner. Tout à fait. Voilà, vous corrigerez. Et donc sortent et vont vers ce soleil qui, si j'ai bien compris, est alors c'est une métaphore, c'est quelque chose de réel. Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est du divin? De quoi s'agit-il? Et surtout, quelle est la différence entre ces êtres-là et ceux qui restent dans la caverne? En fait, vous avez dit il y a des êtres qui ont davantage envie, etc. En fait, quand vous lisez le texte de Platon, les prisonniers, donc il y a des prisonniers au fond d'une caverne qui sont enchaînés, qui ne peuvent pas tourner la tête et qui regardent des images, des ombres sur la paroi et qui les prennent pour des choses réelles. Et en fait, aucun n'a envie de sortir. Bon. Chacun est enchaîné et je dirais même enchaîné par le regard. Le regard enchaîne beaucoup plus que l'audition, hein. Il y a une focalisation pour regarder quelque chose. Finalement, le corps est relativement statique, comme on regarde aujourd'hui un écran, etc. Et on ne peut pas regarder un écran tout en bougeant dans tous les sens, sauf à l'emmener avec lui, mais là aussi, le regard est enchaîné. Donc, spontanément, dans cette situation anthropologique d'être enchaîné aux images, personne n'a envie d'en sortir. Et le texte de Platon utilise plusieurs fois l'expression « si on le forcera ». Si on le force à sortir, on le force à se défaire de ses chaînes. Il y a une intervention extérieure, et je reviens au motif de l'éducation. Et donc, dans l'éducation, il y a à la fois du désir. Platon met les deux ensemble. On fera jamais l'éducation de quelqu'un si cette personne n'a pas ce désir d'éducation. Mais en même temps, il y a une forme de contrainte pour arriver à sortir les gens de la fascination de l'image et de la fascination du simulacre. Et cette image de la caverne, c'est en fait une image de notre propre situation, nous dit Platon, à savoir que rien dans notre vie ordinaire, enchaînée aux images, ne nous donne envie d'en sortir et qu'il faut cette contrainte extérieure. Très bien. Alors, on va parler ensuite de la redescente. Et on reviendra au problème de celui qui est éclairé et des autres. Je suis très curieuse de savoir comment vous nous commenterez ce qui apparaît peut-être à une lecture superficielle ou première comme un clivage quand même. Je voudrais savoir maintenant si la raison de Descartes, qui est également évoquée comme une lumière naturelle, alors cette fois-ci naturelle, si ça fait la différence. Vous avez, Pierre Guénantia, parlé de ce texte, les règles de la méthode, ce texte qui a été écrit, alors on dit dans les années 1628, mais qui a été publié après, bien plus tard. Mais là, je voudrais faire référence à un autre texte que j'avoue méconnaître, mais que vous nous avez signaler la recherche de la vérité par la lumière naturelle. Je crois qu'on ne sait pas non plus très bien quand Descartes... On ne sait pas. On hésite. Certains disent que c'est un texte de jeunesse, d'autres que c'est un texte plutôt de vieillesse, ou enfin de la fin de la vie de Descartes. Alors qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est un texte qui, comme pas mal de textes de philosophie de l'époque, adopte la forme d'un dialogue avec des personnages. Malebranche prendra beaucoup ce type-là de traité philosophique, avec des personnages qui représentent chacun une disposition de l'esprit. L'un c'est un savant, l'autre c'est un quelqu'un qui est plutôt inculte mais qui est de bonne volonté, l'autre c'est quelqu'un qui croit savoir. Il y a trois personnages, Dox, Polyandre et puis Épistémon. Ce texte est écrit en français, en tout cas en partie, et il est inachevé surtout. Donc c'est pour ça que je crois pas qu'il faut le charger d'une signification qui est fondamentale dans l'œuvre de Descartes, bien que les thèses qu'il présente, notamment sur le cogito, sont au fond tout à fait conformes à ce qu'on a pu lire dans le discours de la méthode ou dans les méditations. Donc La recherche de la vérité par la lumière naturelle, ça veut dire, enfin, ça pourrait vouloir dire que c'est une recherche que chacun d'entre nous peut entreprendre. Oui. Il n'y a pas de spécialiste pour la recherche de la vérité. Et même le terme de savant ne désigne, bon, désigne évidemment une classe d'hommes particuliers, particuliers, mais il ne désigne pas des gens qui ont en eux-mêmes quelque chose qui les distinguerait des autres et qui ferait qu'ils auraient justement voix à la connaissance alors que les autres non. Au contraire, Descartes cherche à rajeunir la connaissance humaine, un peu comme quand on s'adresse aux enfants pour leur poser des questions et qu'on attend de leurs réponses naïves justement qu'elles débloquent des problèmes inutilement compliqués que les adultes se posent. Eh bien, il y a ce rapport entre le profane, si je puis dire, et l'instruit chez Descartes. C'est-à-dire qu'on va demander au profane des réponses naïves, des réponses franches, des réponses immédiates qui va sortir directement de son esprit comme lumière naturelle au lieu d'aller les chercher dans les livres. Et justement, cet éclairage, justement, va permettre de comprendre que ce qu'il y a dans les livres, la plupart du temps, c'est de l'ombre. C'est-à-dire que c'est de l'obscurité. C'est le contraire de la clarté. La clarté, elle vient de l'esprit. L'obscurité, elle vient de l'entassement d'opinions qui, tellement coagulées, en un sens, finissent par ne plus présenter à l'esprit aucun sens intelligible. Alors, on va écouter un extrait lu à deux voix par Carla Michel et Célestine Babinet, un extrait de ce texte de Descartes intitulé « La recherche de la vérité par la lumière naturelle ». Pour découvrir les vérités les plus difficiles, j'estime qu'il suffit, pourvu que nous soyons bien conduits, de ce que l'on a coutume de nommer le sens commun. Et comme je vous en trouve aussi bien pourvu que je le désirais, à l'avenir, je vous indiquerai seulement le chemin dans lequel vous devez vous engager. Continuez donc à déduire, avec vos propres formes, les conséquences de ce premier principe, le cogito. Ce principe me paraît si fécond, et tant de choses s'offrent à moi en même temps que j'aurais, je crois, à dépenser beaucoup d'efforts pour les mettre en ordre. Le seul conseil que vous m'avez donné, de peser bien sûr attentivement ce que je suis, moi qui doute, et de ne pas le confondre avec ce qu'autrefois j'ai cru être moi, a prêté une telle lumière à mon esprit et a dissipé sur le champ tant de ténèbres qu'à la lumière de ce flambeau, je vois mieux en moi ce qui ne s'y voit pas, et je suis plus persuadée de posséder ce qui ne se touche pas que je ne l'ai jamais été d'avoir un corps. Cet élan de l'âme me plaît beaucoup. Bien qu'il ait peut-être déplu à Épistémon, qui, tant que vous ne l'aurez pas arraché à son erreur et que vous ne lui aurez pas mis devant les yeux une partie des choses que vous dites être contenues dans ce principe, sera toujours disposé à croire, ou du moins à craindre, que toute cette lumière qui s'offre à vous ne soit semblable à ces feux follets qui s'éteignent et s'évanouissent dès que vous en approchez, et que même vous ne retombiez rapidement dans vos premiers ténèbres, c'est-à-dire dans votre ancienne ignorance. Et certes, cela tiendrait du prodige si vous, qui n'avez pas fait d'études et n'avez pas compulsé les livres des philosophes, vous deveniez savant aussi vite et avec si peu de peine. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Pierre Guénantia, vous êtes spécialiste de Descartes. C'est vrai que là, Descartes dit que ce qui nous guide et qui est lumineux, c'est le sens commun. Donc c'est vraiment un grand, c'est très important. Pourquoi c'est important ? Très souvent, oui. Parce que on a tendance à penser que la philosophie de Descartes, elle heurte justement le sens commun. Comment dire que mon âme est plus connue que mon corps ? D'ailleurs, il pose cette question lui-même dans les méditations. Est-ce que je suis pas devenu un peu fou de penser que les choses lointaines sont plus connues que les choses qui semblent en tout cas immédiates, sensibles et qu'on peut toucher ? Oui, mais le sens commun, c'est pas ça. Le sens commun, c'est pas la perception de l'immédiat. Parce que dans l'immédiat, il y a beaucoup de préjugés qui se mêlent à ce qu'on appelle l'immédiat, au vécu, comme on dira. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'approche phénoménologique chez Descartes. Il faut au contraire suspendre l'influence et l'éclat immédiat du vécu pour essayer de comprendre ce dont le vécu est constitué. Et là, c'est le sens commun qui intervient. Le sens commun, c'est pas justement, comme son nom l'indique, une faculté particulière. C'est l'esprit en tant qu'il s'applique à voir les objets et à ne voir des objets que ce qu'il voit effectivement. Ne pas ajouter en quelque sorte à la vue des opinions, des croyances qui vont justement gâcher et obscurcir cette vue naturelle que l'esprit peut avoir. En un sens, l'idéal cartésien, c'est de revenir à une sorte d'état de nature de la connaissance. Oui. C'est-à-dire comme si, au fond, nous naissions tout de nouveau et que nous découvrions le monde tel qu'il a pu apparaître au premier homme, qui n'avait pas d'idées préconçues, qui n'avait pas été instruit et qui voit les choses d'une certaine manière telles qu'elles sont. Voit les choses, le visuel est très absolument important. Le ça voir veut dire que l'entendement est fondamental, ou le raisonnement et l'évidence, enfin oui. d'abord c'est comme ça qu'il pense, me semble-t-il, Descartes. Il y a des moments d'évidence, les choses bien nous apparaissent. Sûr, c'est vraiment la vue bien qui sûr. Est la manière de parler de l'entendement. C'est une philosophie, je dirais, de la vue, du voir, plus que de la vision. Parce que la vision peut avoir quelque chose d'ensorcelant, alors que la vue a quelque chose, au contraire, de décapant. Voir, c'est distinguer chez Descartes. C'est pour ça que, au fond, la clarté appelle toujours la distinction. Mais on peut pas distinguer quelque chose si on voit pas clair. Et d'où le fait que, justement, voyez, par exemple, je pense à quelque chose, à une célèbre image dans la dioptrique. Parce que Descartes s'est beaucoup occupé d'optique. Il a même, d'ailleurs, découvert les lois fondamentales de l'optique. Et il publie les résultats dans ce chef-d'œuvre qu'est la dioptrique. Et dans la dioptrique, il compare justement le cheminement de l'homme dans la connaissance à celui d'un aveugle qui serait privé de la vue, mais qui aurait justement un bâton. Et qui s'orienterait dans les chemins avec ce bâton qui distinguerait les éléments qu'il touche et dont il se ferait une image. Si bien que, on pourrait dire que, il le dit d'ailleurs, c'est comme si les aveugles voyaient de leurs mains. Leur main est un organe de vue. Donc, la vue n'est pas forcément liée à l'œil. La vue est liée à tout organe ou à tout instrument susceptible, justement, de nous donner une image claire de l'objet auquel on fait face. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons ce matin de la lumière, qui est un mot souvent employé en philosophie pour parler de la raison. Nous nous demandons ce que ça vaut, cet usage de ce mot. Est-il métaphorique? Renvoie-t-il un véritable soleil extérieur à nous? Est-il un soleil intérieur? Je suis en compagnie de Pierre Guénantia, spécialiste de Descartes, qui vient longuement nous expliquer ce qu'est le voir intellectuel pour Descartes, et en compagnie d'Anne Mercker, spécialiste de Platon. Alors nous venons de voir, Anne Mercker, que c'est le sens commun pour Descartes qui est la raison et qui est la lumière. Franchement, est-ce qu'on peut en dire autant de Platon? Est-ce que quand même, pour préciser, on n'a pas de texte de Descartes décrivant les autres hommes dans une caverne enchaînée, qui ne voient que des images déformées, qui n'ont rien à voir avec la vérité et le bien. Or, c'est quand même ça que nous décrit Platon. Donc, ce n'est pas le sens commun. Le voir philosophique, si ? Non, le voir philosophique n'est pas le sens commun, mais au départ, nous sommes tous des prisonniers enchaînés dans la caverne obscure avec les ombres. Nous sommes tous à égalité au fond de la caverne. Et le récit de Platon mentionne, sans préciser, qui est capable de nous en faire sortir, mais on sent bien qu'il y a, sans jeu de mots, l'ombre de Socrate qui plane dans ce récit. Et précisez-nous cela, c'est très intéressant, ben, très important. Précisément, Socrate. Alors, il y a le personnage de Socrate permettait justement à tout le monde de venir faire dans la rue et dans les gymnases, gratuitement, l'épreuve de la solidité ou de l'invalidité de ses propres opinions. Mais avec des opérations qui n'étaient pas très agréables. Enfin, je veux dire, si Socrate a été condamné à mort, c'est pas simplement parce que la démocratie athénienne était viciée et que c'était tous des imbéciles. Enfin, c'est aussi que la pratique... Il dérange. Bien sûr, enfin, philosophe comme Socrate, c'est dangereux. Et peut-être d'ailleurs que c'est presque à l'honneur de la philosophie d'avoir un tel philosophe dangereux, à tel point qu'il peut représenter quelque chose de tellement important et de tellement dangereux pour une société qu'elle le met à mort. Je ne fais pas l'éloge de cette mise à mort, mais je fais l'éloge de cette importance-là. Oui. Et tout le monde pouvait venir converser avec Socrate, ce que reprend Platon d'ailleurs, je vous rappelle, dans le Ménon, où Socrate fait en quelque sorte une expérience de maïeutique avec un jeune esclave, où il lui fait redécouvrir la manière de calculer le doublement d'un carré. C'est un esclave, ce n'est pas un aristocrate. Par contraste, précisément avec l'éducation des sophistes, qui était payante et qui là ne s'adressait qu'aux gens qui avaient les moyens. Donc au départ, Platon nous considère comme étant tous finalement enfermés et engloutis dans les images, dans les faux-semblants, dans le devenir. Et il y a des personnages exceptionnels qui ont pu sortir par eux-mêmes, tels Socrate. Et la cité platonicienne doit prendre en charge cette sortie, mais qui reste douloureuse. Les gens n'ont pas envie de sortir de leur caverne, et il y a cette contrainte-là. Et dans cette contrainte-là, il y a de la tension, il y a du ressentiment, et la mise à mort de Socrate elle-même s'explique du point de, en tout cas, c'est comme ça que Platon nous le fait comprendre, s'explique par ces tensions-là. Philosopher, c'est dangereux. Philosopher, au début, c'est désagréable. Et une fois qu'on est sorti de la caverne, cela devient agréable. Il y a aussi une éducation du plaisir et on ne veut plus retourner dans la caverne spontanément. De même qu'on ne voulait pas en sortir spontanément. On va lire ce texte célèbre de redescente dans la caverne. C'est ce que fait le philosophe. Enfin, à ce moment-là, puisqu'il en est sorti, on peut dire qu'il est devenu un philosophe, n'est-ce pas? Je suis très précautionneuse, j'ai pas envie de me faire gronder. Et donc, quand il redescend dans la caverne, ça se passe mal. Vous nous avez de manière très intéressante rappelé qu'il y a là le souvenir de Socrate mis à mort par la cité qui hante Platon. Écoutons ce texte du livre 7 de la République. Représente-toi ceci, dis-je. Si un tel homme redescendait s'asseoir à la même place, n'aurait-il pas les yeux emplis d'obscurité pour être venu subitement du plein soleil? Et s'il lui fallait à nouveau émettre des jugements sur les ombres de là-bas, dans une compétition avec ces hommes qui n'ont pas cessé d'être prisonniers au moment où lui est aveuglé, avant que ses yeux ne se soient remis, et alors que le temps nécessaire pour l'accoutumance serait loin d'être négligeable, ne prêterait-il pas à rire et ne ferait-il pas dire de lui, pour être monté là-haut, le voici qui revient avec les yeux abîmés? Et aussi, ce n'est pas la même peine d'essayer d'aller là-haut? Quant à celui qui entreprendrait de les détacher et de les mener en haut, s'il pouvait d'une façon ou d'une autre s'emparer de lui et le tuer, ne le tuerait-il pas? Eh bien, c'est cette image, dis-je, mon ami Glaucon, qu'il faut appliquer intégralement à ce dont nous parlions auparavant. En assimilant la région qui apparaît grâce à la vue au séjour dans la prison et la lumière du feu en elle à la puissance du soleil. Et en rapportant la montée vers le haut et la contemplation des choses d'en haut à la montée de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne seras pas loin de ce que je vise. Un Dieu seul sait peut-être si cette visée se trouve correspondre à la vérité. Voilà donc comment m'apparaissent les choses, dans le connaissable. Ce qui est au terme, c'est l'idée du bien. Et on a du mal à la voir, mais une fois qu'on l'a vue, on doit conclure que c'est elle, à coup sûr, qui est pour toute chose la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau. Elle qui, dans le visible, a donné naissance à la lumière et à celui qui en est le maître. Elle qui, dans l'intelligible, étant maîtresse elle-même, procure vérité et intelligence. Et que c'est elle que doit voir celui qui veut agir de manière sensée, soit dans sa vie personnelle, soit dans la vie publique. La majorité des hommes ne veut pas la lumière et sont prêts à tuer ceux qui l'ont vu et redescendre dans la caverne. Vous m'en voulez de dire les choses ainsi, Anne Mercaire? Vous pensez que c'est trop une vision trop aristocratique des philosophes? Pardon, non, c'est pas un peu trop aristocratique? J'accentue là ce qu'il y a quand même d'un peu aristocratique. Il y a une dimension aristocratique, hein, je ne le nie pas, mais on peut même lire toute l'histoire d'Athènes comme une extension concentrique de plus en plus large de valeurs aristocratiques à l'ensemble du démos constitutif de la cité. Et dans le fond, l'aristocrate qu'est Platon est aussi dans cette dynamique-là. Il conserve un esprit aristocratique, élitiste si vous voulez, je dirais plutôt aristocratique, mais il y a l'idée que chaque humain a une parcelle divine, et cette parcelle, c'est l'intelligence. Mais simplement, cette intelligence, nous ne sommes pas des dieux. Nous avons encore besoin de quelque chose qui nous éclaire. Nous ne sommes pas autosuffisants. L'être humain n'est pas la mesure de toute chose, contrairement à ce que pensait Protagoras. Et il a besoin de cette lumière et il doit faire effort pour aller voir la véritable lumière et passer d'une lumière qui produit des ombres, la lumière du feu à l'intérieur d'une caverne, vers la vraie lumière du soleil qui, au départ, fait mal aux yeux. Il y a tout un vocabulaire de la souffrance, de l'affect. Mais de même, faire cette effort de la recherche de la vérité, pour prendre un titre cartésien, cet effort de recherche de la vérité doit nous conduire vers la contemplation d'une lumière pure qui au départ est douloureuse pour les yeux, qui fait mal aux yeux, quand bien même les yeux sont un organe solaire du point de vue platonicien. De même, l'intellect est une faculté divine, mais en quelque sorte elle est ensevelie dans la réalité qui n'est pas divine, et toute la philosophie c'est la sortir de là et l'éveiller, avec des capacités qui, objectivement, d'un individu à l'autre, vont éventuellement varier. Mais en droit, tout le monde est capable de faire cette ascension. Pierre Guénantia, est-ce que chez Descartes, pour lequel la lumière intérieure naturelle de la raison, c'est le sens commun, y a-t-il quelque chose comme une caverne ? C'est-à-dire, est-ce que Descartes s'est préoccupé, comme Platon, de gens qui, c'est quand même ça le texte de Platon, n'en veulent pas tout ça ? Non. D'abord, il n'y a pas de tragique dans le cartésianisme. C'est une philosophie assez, je dirais pas optimiste, mais en tout cas, qui n'emprunte pas les chemins de la dramatisation. Où l'existence devient un drame, où l'oppression, ou l'aliénation, un peu comme la caverne des Platons, etc. Évidemment, on pourrait trouver quelque chose d'analogue. Quand Descartes commence les méditations, il dit, au fond, on est bien dans les anciennes opinions. C'est tout un travail que de se défaire de ces anciennes opinions, comme si on se réveillait. Vous voyez, comme si on se réveillait d'un sommeil dogmatique, comme dirait l'autre, et que on avait affaire à la dureté de la recherche de la vérité par rapport au confort des opinions, le molle oreiller, comme disait Montaigne, de ça. Donc, voilà, ça, il y a une sorte d'entreprise de chacun pour se libérer de sa paresse naturelle qui est au fond l'état de la croyance. Et appréhender la vérité dans ce qu'elle a de difficile à appréhender, non pas parce qu'elle serait intrinsèquement difficile, mais c'est parce que justement on est obturé en quelque sorte par des préjugés, par des opinions, par des croyances dont il faut se débarrasser. C'est plus un effort de purification ou de réduction qu'un effort, c'est comme une ascèse d'une certaine manière. Mais c'est une ascèse individuelle et c'est une ascèse évidemment de nature intellectuelle et non pas morale ou politique. Ça se mêle pas à cela. Donc de ce point de vue, je dirais pas que il n'y a pas dans le cartésianisme l'idée, une sorte d'une émancipation des hommes alors qu'ils sont entravés par des forces collectives. Non, il y a l'idée que, au fond, chacun a à faire son chemin sans attendre de coalition avec les autres ou sans attendre un libérateur. Le libérateur, c'est chacun de nous. Une dimension quand même moins aristocratique. Ah, pas du tout aristocratique. Pas du tout aristocratique. En un sens. Anne-Marie, oui, parce que j'aurais contre d'autres différences là entre Descartes. Ouais. Mais sur ce point, je vous en prie, allez-y. Oui, je dirais que Platon est un penseur fondamentalement politique. Du moment qu'il parle de quelque chose, dès qu'il parle de quelque chose, c'est politique. Et il n'est pas du tout démocrate, donc on revient quand même aux questions d'avant, n'est-ce pas? Non, bon. Ça n'est pas exact. Ouais. Et encore une fois, il critique tout. Il critique la démocratie, mais il critique aussi l'aristocratie, c'est-à-dire la noblesse, l'aristocratie de naissance, par le sang. Et si vous lisez les lois de Platon, il y a une restauration d'un intérêt majeur de la démocratie, à savoir de favoriser l'amitié. Peut-être parce qu'on lit trop La République. Hein. On lit pas assez les lois. On lira jamais trop La République. Sûr, oui. Alors revenons à la comparaison de la raison lumineuse chez Platon et chez Descartes. Bon. Il y a une extériorité chez Platon. Il faut sortir de quelque chose qui est une caverne. Il y a un soleil qui semble concentrer et le beau, et le bien, et le vrai. C'est quelque chose qui vient du cosmos, semble-t-il. Et c'est pas le cas chez Descartes. Que l'on va retrouver, excusez-moi de vous interrompre. Que l'on va retrouver chez Malebranche. Va écrire dans son premier ouvrage, et tout en étant parfaitement orthodoxe cartésien, une recherche de la vérité dans lequel on voit que l'esprit, pour se libérer, doit en un sens sortir de lui-même pour aller contempler une vérité qui est extérieure à lui. Et c'est ce qu'il appelle l'étendue intelligible, d'une manière d'ailleurs assez difficile à comprendre, comment étendue et intelligible ça peut aller ensemble, une sorte d'oxymore. Mais l'étendue intelligible, c'est un peu comme le pays de la vérité, c'est-à-dire dans lequel l'esprit va aller. Alors que serait très anti-cartésien, parce que justement, chez Descartes, la lumière, elle n'est pas à l'extérieur de l'esprit. On ne va pas vers la lumière, on rentre en soi-même pour trouver justement cette lumière. Et elle est là. Elle ne peut être que là, c'est-à-dire, ce n'est pas une lumière illuminante, si je puis dire, c'est-à-dire justement... C'est une lumière naturelle, c'est-à-dire au fond... progressive et surtout qui est de l'ordre d'un instrument. C'est pas de l'ordre d'une révélation de la vérité. Néanmoins, de l'intérieur, c'est ça que je voudrais vous poser cette question, parce que c'est pas le point le plus clair pour les gens qui lisent Descartes. Oui. Dans la lumière intérieure, il y a une idée plus éblouissante que les autres. C'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu, bien sûr. Est-ce que du coup, qui m'a créé, dont Descartes pense qu'il a fait la preuve rationnelle de l'existence. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même quelque chose comme l'équivalent d'un soleil extérieur, déjà très très lumineux, qui m'a fait lumineux moi aussi? Oui. J'ai du mal à répondre d'une manière très très très distincte, si je puis dire, à cette question, parce que bien sûr il y a dans l'esprit ce que Dieu y a mis, c'est-à-dire les semences que Descartes appelle les semences de vérité. Mais vous voyez, c'est presque plus un naturalisme qu'un ascétisme moral ou religieux. Les semences de vérité, c'est au fond ce qu'il faut cultiver pour développer son esprit. Et ça, ces semences de vérité, ces idées innées, comme on a dit, c'est Dieu qui les a déposées. Mais l'idée de Dieu, de ce point de vue, si je puis dire, c'est une idée comme une autre, c'est-à-dire c'est une idée, c'est-à-dire c'est une représentation de l'esprit, mais elle a cette particularité de renfermer une telle richesse que, à la fin des méditations, Descartes s'arrête en disant « voilà, je vais contempler cette idée ». Mais une chose est d'apercevoir dans son esprit l'idée de Dieu, comme il le fait dans la troisième méditation. Autre chose est de contempler cette idée que Descartes presque sort de lui-même et, comme un soleil intelligible, justement, va le regarder. Mais on ne regarde pas le soleil. C'est éblouissant. Et il ne faut pas confondre l'éblouissement et l'usage de la lumière naturelle. À la limite, l'usage de la lumière naturelle, c'est un anti-éblouissement. C'est une distinction. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be bright. Johnny Nash, I Can See Clearly Now, une chanson de 1972. Et là, la lumière, c'est moins peut-être le bien, le vrai et le beau que l'amour. Mais c'est encore un autre sujet. Merci beaucoup Anne Mercaire et Pierre Guénantia pour vos éclairages, c'est le cas de le dire, sur la raison comme lumière, appréhendée ainsi, tant par Platon que par Descartes, mais avec plein de différences. Je cède la parole à Frédéric Worms qui nous fait sa chronique de fin cette semaine, le pourquoi du comment sur la force et la justice. Pourquoi y a-t-il des brutes ? Dans l'expérience ordinaire, depuis la toute petite enfance, et par exemple dans le bac à sable ou dans la cour de récréation, nous avons toujours l'expérience de l'irruption des êtres humains qui font un usage de la violence, un usage brut de la violence brutale. Et ce terme brut, brutalité, hante l'expérience humaine comme l'expérience de la force nue qui ne se pare d'aucun attribut, d'aucun prestige, d'aucun discours, qui est la force absolue utilisée par des humains qui, pourtant, devraient se servir de la parole. Car l'opposition entre force et justice, c'est toujours aussi l'opposition entre la violence nue et le discours qui vient fonder au contraire des inégalités ou fonder un partage sur un accord discuté, sur la discussion. La brute, c'est donc l'être humain en tant qu'il ne fait pas usage du langage mais simplement de la force pour bousculer les autres et assurer un pouvoir sur un pur rapport de violence, sur un pur rapport de force. C'est un terme qui a l'avantage au fond quand même de ne pas directement animaliser l'être humain ou plutôt brutaliser les animaux eux-mêmes, car nous disons parfois que la brute est bestiale, que la brute est animale, et en fait nous disons aussi, à travers ce terme de brute, il y a quand même cette déchéance de l'humain que nous référons souvent à ce fantasme de l'animalité. Le terme de brute est peut-être beaucoup plus clair, car il nous désigne au fond cette nudité que même les animaux n'ont pas. La force brute, c'est quand même la force de la violence en tant qu'elle s'exerce contre le langage, contre l'autre en tant qu'être égal et libre et qui pourrait parler, répondre, résister, qu'il faudrait en quelque sorte respecter. La brutalité est humaine et seulement humaine. En anglais, il y a un terme difficile à traduire mais qui s'applique notamment à un ancien président des États-Unis qui cherche à le redevenir, un terme dont on retrouve aussi la qualité de la cour de récréation. C'est difficile à traduire, c'est le terme bully, B-U-2-L-Y, bullying. Bien sûr, ça vient aussi du taureau. Là aussi, il y a cette image de l'animalité. Mais celui qui fait du bullying, c'est celui qui, dans la cour de récréation, eh bien, tape sur les petits, agresse les êtres plus faibles que lui et se sert de cette violence pour s'imposer. La cour de récréation est pour nous un espace de plaisir, de discussion, de jeu, mais peut-être aussi d'angoisse quand le jeu se transforme en violence. Et l'expérience de la brutalité est aussi une expérience de la socialisation que les institutions scolaires ou les espaces de loisirs, les espaces collectifs doivent apprendre à canaliser et bien sûr à interdire. Interdire la brute, interdire le bullying, interdire la violence d'intimidation, c'est le cœur de la société. Alors quand un homme politique fait usage de cette violence, du langage des voyous, comme actuellement le président de la Russie, c'est chez qui cela a été précisément analysé, le langage de la force brute, le langage de l'absence de langage, en quelque sorte, et c'est le cas aussi chez tous les dictateurs, quand le dictateur devient brutal, quand la brutalité s'installe, là où la parole devrait être la plus dominante contre la force brute, alors effectivement on peut craindre que la brute devienne accède au pouvoir. La brute a toujours été la hantise de la philosophie politique. C'est celui dont la force est grande mais dont le discours ne justifie jamais l'usage. C'est celui de la violence qui en effet commence avec la petite enfance. Nous savons qu'il y a cette possibilité d'être brutalisé parmi les êtres humains, la possibilité que la faiblesse devienne une soumission, que la faiblesse qui devrait être soutenue soit au contraire quelque chose que l'on écrase. Pourquoi y a-t-il des brutes ? Il y a des brutes parce que la force fait partie de la vie humaine, mais aussi parce que la justice doit s'y opposer. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Jean-Guilain Meige. Merci en particulier à Carla Michel pour son aide, pour sa préparation, ainsi qu'au reste de l'équipe. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.